10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Planète Indie. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante, du meilleur de la musique alternative. Retour à un format normal aujourd'hui. Quand je dis normal, c'est 1h30. Découverte musicale, puisque au cours des deux précédentes émissions, eh bien, nous avons fait un petit retour en arrière sur ces 20 ans. On a fêté les 20 ans de Planète Indie. Bah oui, déjà, le temps passe vite, très très vite, beaucoup trop vite. On est remonté en arrière, découvrir les meilleurs morceaux, ou en tout cas les plus marquants, ou ceux, les morceaux ou les artistes auxquels étaient associés l'une ou l'autre anecdote de ce parcours musical de 20 années. Donc voilà, ces émissions seront disponibles, enfin l'ont été disponibles sur notre site internet. À la fin de l'année, eh bien, je les remettrai toutes ensemble et elles seront de nouveau disponibles pour vous dans le cadre de la rétrospective 2017. Pour l'instant, donc là, elles vont être... C'est celle-ci qui va être de nouveau disponible dès la fin de cette émission, mais rassurez-vous, si vous voulez réécouter ces émissions spéciales, vous le pourrez. Et puis si vous nous rejoignez sur Facebook, elles sont toujours disponibles via ce canal. Donc là, vous pourrez les réécouter tant que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 novembre 2017. La fin de l'année s'approche à grands pas. J'espère que pour ceux qui étaient en congé pour cette semaine de Toussaint, eh bien, vous en avez bien profité. C'est vrai que, en tout cas, le jour de la Toussaint, il n'a pas fait trop mauvais. C'est le numéro 318 de Planète Indie. On va commencer avec le groupe Three Seasoned Ant. Donc on pourrait se traduire la fourmi des trois saisons. Beautiful Life. Et puis après ce sera un nouveau morceau extrait du tout nouvel album du groupe Ivory Tower Project. Way Too Late. Ce sera le full length remix. Restez donc bien avec nous. Nous sommes ensemble, je vous rappelle, jusque 18h30. Let it be all, oh, this is my life, oh. some time on your own. But I'll be hearing stories that you won't be alone. So if you leave it's over, and you know I won't stand in your way. I wanna steal your game, and you know what I'm trying to say. And you were messing around. I guess the party's over, but you never admit that I'm right. No one would love you like me more than a night. Now it's way too late, now that all of the damage is done. You don't have regrets, and you know La gloire n'est pas éternelle, c'est un peu ça que veut dire le nom de ce groupe, Glory Fades, littéralement la gloire se fane. On les écoutait avec le morceau 606, et puis avant cela c'était un extrait du nouvel album du groupe Ivory Tower Project avec Way Too Late, et puis on a commencé, je vous le rappelle, avec Three Seasons End et Beautiful Life. Qui dit retour à la normale pour Planet Indie, dit aussi retour de nos albums Powerplay, c'est pour dans quelques minutes, et nous irons du côté de la Suède avec un groupe qui s'appelle Born 53. Avant cela, on va revenir un peu en arrière avec un autre souvenir, ça c'est le groupe Magic Music. On les écoutera avec Life Force, Death Force, mais avant cela, je vous propose d'aller du côté de Chypre. Et pourquoi Chypre ? Parce que j'étais là-bas cet été en vacances, et j'ai rencontré notamment notre ami Arda, que vous avez découvert aussi dans cette émission. Et puis son producteur, Robert Kamassa, et il m'a fourni quelques petits CD de musique chypriote. Il m'a dit qu'avec ça, j'avais un bon panel de musique chypriote et il y a pas mal de choses intéressantes. Donc je vais vous en proposer quelques-uns au cours de cette émission. Et le premier groupe qui se présente à vous, originaire de l'île d'Aphrodite, il s'appelle les Delirium Elephants. Et on les écoute avec le morceau « Washing Machine ». We'll be right back. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hello, it's Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Bon, alors, le CD de Magic Music, je ne sais pas ce qui se passe, il ne veut pas se lancer. Alors, je vais meubler un petit peu en essayant de trouver pourquoi, quelle est la cause. C'est un CD avec une pochette un peu gothique dessus, il nous ramène en 1995, donc avant même les débuts de cette émission, et ben voilà, je l'ai reçu plus tard, et j'essaye toujours de... Ça c'est les... la beauté du métier, c'est de voir les petits problèmes techniques quand ils surviennent. Alors, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? On passe à notre album Powerplay ou on va quand même essayer de le relancer comme ça, en vitesse, on the fly. On change de lecteur et ça va partir, espérons-le. Sinon, je ne sais pas ce qu'on va faire. On sera bien embêté si le deuxième lecteur ne passe pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ? Ah, ben voilà. Ici, ça va mieux. Allez, on laisse la place. Magic Music, Life Force, Death Force. Retour en 1995. Tonight. Nobody can break your mold. Better get cunning, please start running if you wanna get home at all. Oh, life force, death force, who's watching on you? Is watching on you. Ah, life force. Oh, death force. Oh, life force. Death force. Death force. Life Force, Death Force par le groupe Magic Music. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pense que j'ai trouvé la cause du problème, entre guillemets, pourquoi le CD n'avait pas démarré tout à l'heure. Enfin, bon, il suffisait qu'il y ait un bouton qui soit enfoncé ou pas enfoncé justement dans la table de mixage et ça fait donc toute la différence. Donc normalement on ne devrait plus avoir ce problème. Pour le prochain, et le prochain c'est donc Born 53, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. C'est un quatuor, trois hommes, une femme. On a l'impression un peu que tout le monde fait tout dans ce groupe. Il y a Jørgen Larsson qui joue des percussions du djembé. Hans Birkholz, d'ailleurs c'est le seul qui joue pas de guitare. Hans Birkholz joue de toutes les guitares possibles et imaginables. Ukulélé aussi, kalimba, charango. La seule femme, elle s'appelle Asa Kallenlind. Elle joue de la guitare électrique, de la mandoline et aussi des percussions. Et puis elle chante. Et puis enfin, on a Anders Lind, qui est un des membres les plus proéminents, on va dire, du groupe, qui chante, qui joue des guitares électriques et acoustiques, de la basse, du piano et des percussions aussi. Ils sont basés à Stockholm, ils viennent donc de sortir au mois de mai cet album A Talent Unrecognized. C'est un peu, moi je trouve que c'est un peu prétentieux comme titre, ça a l'air de dire on est bon mais personne ne veut le voir. Donc il est sorti au mois de mai et c'est le cinquième album du groupe depuis 1905, année de création donc de ce groupe. Ils avaient sorti en 2012 un album Thieving in the Alley qui était fait entièrement de reprises de chansons de Bob Dylan. Et avec ce nouvel album, eh bien, ils remettent l'attention sur l'écriture, sur leur propre écriture, puisque Anders Lind a écrit cette chanson et Hans Birkholz en a écrit trois. Il en manque deux puisque l'album comprend 12 pistes. Il y a une reprise de Bob Dylan avec le morceau Forgetful Heart et une de Paddy McAloon, Devin Came Calling. J'ai pas beaucoup d'informations sur eux, donc je vais devoir vous la distiller au compte-gouttes. Donc je vous propose de me taire et d'écouter le morceau Forgetful Heart. Ce sera donc notre premier extrait aujourd'hui pour notre power play. Je vous rappelle son nom, Born 53, et un album intitulé A Talent Unrecognized. C'est le power play de cette émission numéro 310 de Planète Indie. Power play. Et c'était donc le bon bouton puisque ça part. Your power of recall, every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better than you? Thank you. Voilà, Forgetful Heart, c'était le groupe Born 53, on les retrouvera encore deux fois au cours de cette émission, donc d'ici 18h30. Le morceau suivant, je me demande si je vais vous l'annoncer, je vous le désannoncerai plus tôt parce que normalement vous les connaissez, hein, si vous nous êtes fidèles depuis quelques mois, voire un an ou deux, vous devriez les reconnaître. On va voir, en tout cas je vous donne un petit indice, cet extrait de leur tout nouvel album. Et on a donc, on les a découverts avec leur précédent album. Allez, je vous donnerai le nom du groupe plus tard. On va voir si vous trouvez de qui il s'agit. We'll be right back. Alors, vous avez reconnu ce riff de guitare ? Non ? Non, oui. Eh bien, c'est l'extrait du nouvel album de King King. Bah oui, King King. L'album s'appelle Exile and Grace et on écoutait Heal the Warning. On continue avec Fire at Cyrus, The Doomsday Waltz. Tout un programme. This is Arda from Arda and the Stolen Moon. Thank you, Planet Indie, for being the first radio station to play our songs and for supporting indie bands all over the world for 20 years. Everyone expects the world to unfurl in its circles, and everybody's sure about that it starts to rain. All over the planet, people ask for saturated freedom, but what they want to know and see is just illusion. Procurators have to play, they wish to earn some money. Equity is what they see for the current company. All over the planet, people ask for saturated freedom, but what they want to know and see, it's just illusion. Comme quoi, c'est pas un mensonge. Dans Planet Indie, on voyage dans les styles, puisque c'était beaucoup plus calme que ce qu'on a écouté avant. Avant, donc, c'était Fire It Cyrus. Là, c'était une collaboration entre Sergei 77 et Melanie Colley, un morceau qui s'appelle Illusion. Voyage dans des styles, mais aussi voyage dans le monde, en géographie, puisque on a été à Chypre tout à l'heure, on était en Suède avec notre powerplay. Et ici, on était en Serbie, du côté de Belgrade, avec donc ce duo Sergei 77 et Melanie Colley. Et puis, tant qu'on est dans les Balkans, eh bien, je vous propose de faire un petit retour en arrière rapide sur le festival Cineis dont on vous avait longuement parlé le mois dernier, puisqu'il s'est déroulé donc au mois d'octobre à Luxembourg et à différents endroits. C'est un festival qu'on suit depuis plusieurs années. Cette année-ci, eh bien, il a attiré la grande foule puisqu'il y a eu plus de 10 600 personnes qui ont participé aux événements, 8 000 à peu près spectateurs pour les films, pas loin de 2 900 pour les événements spéciaux. Donc il y a eu des soirées gastronomiques, des concerts. Et puis il y a aussi eu un programme pour les élèves où il y a eu la participation de plus de 750 élèves qui ont participé donc aux projections scolaires dans les lycées qui ont participé donc à l'événement. Entre le 5 et le 22 octobre, eh bien, vous avez pu voir 60 longs métrages, une quarantaine de courts métrages originaires de 19 pays de l'ancien bloc communiste avec une mention spéciale cette année-ci à l'Albanie qui faisait son entrée dans la programmation. Le palmarès du festival le voici. Alors, le Grand Prix a été décerné au film Birds Are Singing in Kigali, un film polonais de Joanna Kos-Kraus et Christophe Kraus. Le prix spécial du jury au film roumain Soldiers, A Story from Ferentari. C'est un film serbe donc, de Ivana Mladenovic. Le prix de la critique au film Directors, un film bulgare de Stefan Komandarev. Et enfin, le prix du public au film The Constitution du réalisateur croate Rajko Grlić. Voilà. Puis ils ont aussi leur projet caritatif. Cette année-ci, eh bien, c'était l'organisation Wings of Hope qui aide les enfants en Bosnie qui était soutenue. Les festivaliers étaient invités donc à déposer une petite pièce dans le cochon à la fin de chaque présentation. Et puis il y a aussi la vente des photos de la très belle exposition Making a Difference qui s'était tenue à l'abbaye de Neumünster. Et bien ce projet caritatif a permis de récolter pas loin de 1 500 €. Et puis vous pouvez toujours trouver certaines photos qui sont encore en vente. Pour cela, allez voir le site ou la page Facebook du festival. Je pense qu'on vous a mis les détails aussi sur notre page Facebook. Voilà, on poursuit en musique avant de retourner en Suède sur l'album de Born 57. Born 53, 77, c'était juste avant. Born 53, on écoute Papa Zatch avec Walk Alone. Can't you hear me calling out your name? Can't you see that things are just the same? Can't you see me going out the door? Can it be the stuff I'm working for? Sometimes I have a need to get along. Maybe 'cause I think there's something wrong. Always try to get involved. Trying to find something more. To the night, I didn't want to have to fight. I walk alone, I walk alone, I walk alone, I walk alone into the night. I didn't want to say goodbye. Into the night. Magnifique balade que ce morceau de Papa Zatch, Walk Alone. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas prendre l'album comme dernier Powerplay 2017. Je vais y réfléchir pour le mois prochain. Pour le retour sur notre album Powerplay du mois de novembre, celui de Born 53, A Talent and Recognized, je vous avais dit tout à l'heure que sur cet album, ils se recentraient sur leur propre réécriture, puisque sur l'album précédent, c'était un album de reprise de chansons de Bob Dylan. Et ils ont donc, c'est surtout Anders Lind qui a fait très attention et c'est bien a bien travaillé ses paroles avec des chansons peut-être un peu plus personnelles qu'avant, et notamment sur ce morceau Crimson Red and Aqua Blue. C'est le morceau qu'on va écouter dans quelques secondes. Il s'agit d'une chanson d'amour avec un petit rappel du fait que nous ne sommes que des mortels. Et il y a aussi la chanson Morning Song, qui est une ode à un amour qui est obligé de traverser des frontières de plusieurs genres pour pouvoir exister. Quoi d'autre ? Sur la chanson de Great Liberator, on ne l'écoutera pas malheureusement, puisqu'on ne peut pas tout écouter, mais bon, c'est un morceau beaucoup plus satirique que les autres. C'est un morceau qui a été écrit il y a quelques années, dit Anders Lind, en pensant métaphoriquement et en imaginant un monde où quelqu'un, un usurpateur sophistiqué, avait donc pris contrôle de nos esprits. Allons donc écouter ce morceau Crimson Red and Aqua Blue. C'est le second extrait de notre album Powerplay. Aujourd'hui dans Planet Indie, l'album de Born 53, A Talent Unrecognized. Powerplay. They say it's just an incident. A coincidental accident. But all I felt was wanting you. Lips so red and eyes so blue. Baby, I still burn for you. Time to find my heart. All that beauty a la carte. Distractions from a love so true. Family and friendship too. Baby, I still burn for you. I've seen moments in the gutter, listening to the click-clack of your shoes. At times I've been a mountain of a man, when you froze and had the blues. I stake my case, I have no fear. And thoughts to share. A smile so wide and mind so free. I fall before your nylon knee. Baby, I still burn for thee. And there's times when I'm so happy that I reel around the stars for all your charms. And there's times when I'm content to sit and watch the children growing in your arms. Till I lose my breath, my queen of life, my Ashtoreth. Baby, I still burn for you. Baby, I still burn for you. On retournera sur cet album d'ici quelques minutes avant 18h30, puisque c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Le prochain morceau, c'est un instrumental, il s'appelle Mava, et le morceau s'intitule Bodliac. Puisque c'est un instrumental, je vais profiter de l'occasion pour passer en revue rapidement la programmation de la Rocale pour les jours et les semaines qui viennent, parce que sinon, déjà, je pense qu'on va être à court de temps pour tout ce que j'avais prévu de vous passer aujourd'hui. Alors, le 7 novembre, Rag & Bone Man, le 8, Robert Clasper Trio avec le DJ Sundance, 9 novembre, Archive, le 12, c'est Sean Paul, bah oui, 14, Fink, le 16, le 17 et le 18, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, c'est le festival Sonic Visions. Ensuite, nous avons le 23 novembre, le Blossom Tour de Milky Chance. Et le même soir, vous pourrez aller voir aussi Loïc Noté. Pas la même chose, mais bon. 28 novembre, le Guthrie Govan Guitar Clinic. 30 novembre, Mastodon. Alors là, ça a l'air d'être un peu plus costaud. 1er décembre, Black M. Et puis 2 décembre, c'est la revue Queen, le Queen Mania Best of Queen. Queen, 2 décembre, donc... Samedi 2 décembre, c'est la date de notre prochaine émission aussi, donc notez-la bien, ce sera le premier samedi de décembre. Pour la suite, eh bien, on regardera à ce moment-là, mais notez déjà que eh bien, Shakira, elle sera là, elle, le 4 décembre, donc si vous voulez aller la voir, la belle Shakira, qui est célibataire depuis peu d'ailleurs, eh bien, c'est le 4 décembre. Allez, je laisse la place à Mava avec ce morceau Bodliac. Et puis après, on retournera un petit peu à Chypre, si vous le voulez bien, avec Konstantinos Lemessos et un morceau intitulé Stepping Down. Thank you. Try feel. Let me say what I want. Let me tell you what I want. I'm in dead end. Un peu mal là, mais il va falloir réduire un peu parce que ce morceau fait de nouveau plus de 5 minutes. Et on était encore à Chypre avec à l'instant le groupe Perro Negro. Si vous l'avez peut-être compris, si eh bien, vous parlez couramment l'anglais, ce morceau s'appelle Young Girl. Avant cela, donc, je vous rappelle un autre artiste chypriote, Konstantinos Lemesios, avec Stepping Down. Et pourquoi Chypre? Eh bien, parce que c'est là que j'ai passé mes vacances cette année. Et donc, j'ai ramené quelques petits trucs pour vous. Le prochain morceau, c'est John Parks. Alors John Parks, lui, on l'a découvert plusieurs fois dans cette émission sous différents noms et dans différents groupes. Là, il nous revient sous son nom propre avec un nouvel EP qui s'appelle Virtually Alive EP. Et on va écouter le morceau The Devil Takes. Et après cela, retour pour la troisième et dernière fois sur notre Powerplay. Je vous rappelle l'album de Born 53, un album intitulé A Talent Unrecognized. The devil comes for me, he takes me piece by piece, takes my skin and folds it all away. The devil comes for me, he starts it with my teeth, now he wants my hair and knees and feet. But I know I could be fighting with surgery and hooks. Botox and tucks. I could be fighting with fishy oil and puzzle boards. He got into my eyes, he's fiddling with my sides, he brings me stiffness in not at all a good way. Burring up my veins, he's pitching up the pain, jams my ankles, can't see or touch my toes. And I know I should be fighting with omega 3 and bran, shacks, cartilage, capsules, glucosamine, not spam. I could be fighting with screenings and brains, growing gout and slowing down the flow. He's crumbling my joints, drying out my loins, hairing up my orifices and brow. But I come on fighting sexually unrealistic hopes. I come round fighting with magazines and naps. I come round fighting with what the hell is that? Save me from my sins, from the devil, the fall, and daytime TV. Save me from this age, this small and lonely cage. Take me where I'm young and lovely still. And I know I should be planning for funerals for friends. I should be planning insurance with free pens. I should be planning to freeze my own head. To freeze my own head. Voilà, c'était donc John Parks avec The Devil Takes, extrait de son nouvel EP Virtually Alive. 18h16 minutes, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble et on retourne pour la troisième et dernière fois ce soir sur notre album Powerplay, l'album de Born 53, un album intitulé Talent Unrecognized. C'est d'ailleurs la chanson du même nom qu'on va écouter. Alors depuis toutes ces années, eh bien, le groupe Born 53 a développé son propre style musical, enfin ils disent ça tous, mais vous avez pu vous en rendre compte vous-même. Un style musical donc, qui va chercher ses influences dans le blues avec eh bien, des touches pop, rock et folk. Et des influences de différentes régions du monde. On l'a entendu tout à l'heure dans le premier morceau qu'on a écouté, Forgetful Heart, qui était joué comme un tango finlandais. Bah, pourtant, le tango, en général, ça vient de plus au sud. Et puis, on entendait la belle voix de Asa Kalenlind avec des influences dans sa voix du fado portugais. Le morceau Devil Come A-Calling, eh bien, ça a des influences d'ailleurs sud-américaines. On y revient à l'Amérique du Sud, grâce notamment au charango qui est joué par Hans Bierkolt. Le charango, c'est un instrument à cordes bolivien, une sorte de petite guitare. Quoi d'autre ? Eh bien, la plage d'ouverture, le morceau Looking for Mary Jones, eh bien, il semble tout droit sorti du folk britannique des années 70. Et le morceau Forgive, par exemple, lui, est plutôt décrit comme de la musique world music. Vous pouvez retrouver tout cela sur cet album de Born 53, A Talent Unrecognized. Il est disponible depuis le 19 mai. Alors, pour les retrouver sur Internet, si vous tapez born53.com, vous allez arriver sur un site complètement différent. C'est un site japonais avec des très belles photos, mais ce n'est pas du tout un site musical. Vous les retrouvez sur Facebook, www.facebook.com/born53. Ce qui est marrant, c'est que eux, sur leur page Facebook, ils mentionnent cette adresse born53.com qui renvoie donc à ce fameux site japonais. Allez voir si ça vous amuse. Les photos sont belles, ça, il n'y a pas à dire. Allez, on les écoute avec ce morceau « Talent Unrecognized », c'est notre powerplay. Aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. Ah, le lecteur CD qui nous fait de nouveau des misères. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il fallait encore bien ça maintenant où on n'a pas beaucoup le temps. Est-ce que ça va aller mieux ? Sinon, il va falloir... Eh ben voilà, non, il ne veut plus. Donc, le temps de inverser les deux... les deux CD et puis on relance, hein, on relance la machine avec donc ce morceau Talent Unrecognized, et puis après on écoutera alors Tom Gold et Dead Eye, Diane Mike Lemonade Freshly Squeezed, et puis pour terminer Andre Gray et You Are The Only One. On devait encore écouter James Sanders et Silver Ghost, mais je pense que on n'aura pas le temps. Thank you.

on your knees. Is that fine? That's fine. She says she don't mind. She don't mind. No. If I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why what? Yo, I want you down on your knees. Is that fine? That's fine. She says she don't mind. She don't mind. No. If I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why what, man? They call her Susie with the dead eye. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. You can always play the victim, feeling sorry for yourself. I learned from these experiences, put the trophies on the shelf. If life gives you lemons, make lemonade. You can take what life throws at you and let it turn you sour. If life gives you lemons, make lemonade. Hold on tight, enjoy the ride, make the most of every hour. What happens to us makes us who we are. C'est avec ce morceau qu'on va devoir se quitter. Freshly Lemonade Freshly Squeezed de Diane Mink. Si la vie te donne des citrons, et bien faisant de la limonade, c'est un morceau d'espoir. Prochaine émission le samedi 2 décembre. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain dimanche entre 17h et 18h30. Le podcast sera disponible aussi sur notre site internet et sur notre page Facebook. Notre site internet, c'est facile. www.ilovemusic.ga ilovemusic.ga. Et puis je devrais encore vous parler en quelques mots du festival Sonic Visions qui se tiendra du 16 au 18 novembre avec 3 nuits de bonnes découvertes musicales, des conférences avec notamment Benji Rogers qui viendra vous parler l'application de la technologie blockchain dans la musique. Et puis le samedi, le Video Clip Awards, on vous en a parlé, on vous a donné toutes les infos pour envoyer vos propres clips pour cet événement. Ça se passera donc du 16 au 18 novembre à La Rocale, les 35€ pour les 3 jours de musique. Et si vous voulez assister aux conférences en plus, ça vous coûtera 50€, tout compris, hein, les concerts et les conférences. Voilà, rendez-vous le 2 décembre pour notre prochain épisode. D'ici là, passez un bon week-end. Et allez, on a quand même quelques secondes pour écouter quelques notes de Andre Gray, You Are The Only One. Bonne soirée, bon week-end, à bientôt. Beautiful, pink, green.